cours numéro 14. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى فصل فإن قلت إنك قد أشرت إلى مقام عظيم فافتح لي بابه واكشف لي حجابه وكيف تدبر القرآن وتفهمه والإشراف على عجائبه وكنوزه وهذه تفاسير الأئمة بأيدينا فهل في البين غير ما ذكروه في هذا الفصل رحمه الله ذكر مثالا عظيما avec le Coran pour clarifier le chapitre précédent. Ou c'est un exemple. فلهذا قال فإن قلت si واحد se demande إنك قد أشرت إلى مقام عظيم أي قوله dans le chapitre précédent ورأس مال الأمر وعموده في ذلك إنما هو دوام التفكر وتدبر آيات القرآن. Une chose essentielle que tu auras besoin pour ce voyage, pour هذه الهجرة العظيمة dans ce bas monde, si tu veux avancer dans ton din, si tu veux que ta foi elle augmente, si tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala te préserve, si tu veux réussir, فاعتني بكتاب الله عز وجل. Donne beaucoup d'importance au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. حفظا, si tu peux mémoriser. Wa tadabburan, bien sûr, méditer, prendre son temps. Fahadha al-amr al-azim que l'imam Ibn Qayyim rahimahullah il a cité. On peut se poser la question, ou on peut demander un exemple. Falihadha qal faftah li bab wakshif li hijab. Un exemple pour nous ouvrir les portes, pour nous faciliter, pour nous donner envie de méditer sur les versets du Coran. قال قلت سأضرب لك أمثالا تحتذي عليها وتجعلها إماما لك وفي هذا وتجعلها إماما لك في هذا المقصد. Il a cité un مثال, un verset du Coran ou plusieurs versets من سورة الذاريات en guise d'exemple. Et هذا المثال il est طيب جدا. Pourquoi ? Parce que on va réciter le verset inshallah ta'ala ma yata'allaq bi qissat Ibrahim avec al malaika quand ils lui ont rendu visite etc. Et satarawna al ajaib min kalam al imam ibn al qayyim rahimahullah. Cette histoire que wallahi alhamd la plupart y connaissent, lakin les leçons, les fawaid, al ilm, la science que l'imam Ibn Qayyim rahimahullah il va retirer, qui va sortir de ce verset rahmatullah alayhi, ça nous montre l'importance de prendre son temps quand on récite et de méditer. Qala rahimahullah, qala Allah ta'ala, hal ataka hadithu dhayf Ibrahim al-mukramin iddakhalu alayhi faqalu salama qala salamun qawmun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin فقربه إليهم قال ألا تأكلون إلى قوله الحكيم العليم قال فعهدي بك إذا قرأت هذه الآيات واطلعت إلى معناها وتدبرتها فإنما تطلع منها على أن الملائكة أتوا إبراهيم في صورة أضياف يأكلون وبشروه بغلام عليم وأن امرأته عجبت من ذلك فأخبرتها الملائكة أن الله قال ذلك ولم يجاوز تدبرك غير ذلك. En général, c'est comme قال رحمه الله. La plupart de ceux qui récitent ces versets, qu'est-ce qu'ils retirent? Comme قال رحمه الله. أن هؤلاء الضيوف, ces invités de Ibrahim, c'était des anges. Et ils ont annoncé la bonne nouvelle à Ibrahim qu'il allait avoir un enfant. Et sa femme, elle a été étonnée. Et هذا, نعم. C'est la plupart des gens, quand ils lisent « هذه الآيات من سورة الذاريات », c'est ce qu'ils comprennent et c'est ce qu'ils retirent. لكن تأملوا الآن. Quant à Imam من أئمة هذا الدين، مفسر كبير الإمام ابن القيم رحمه الله، حتى بعض الطلبة جمعوا أقواله في التفسير، التفسير القيم. Ils ont rassemblé plusieurs مجلدات, plusieurs volumes, et ils ont rassemblé les paroles d'Ibn Qayyim رحمه الله sur l'explication des versets du Coran dans ces différents livres. مثلا في سورة الذاريات ils ont cité هذا الكلام من التبوكية. فمن المهم الاطلاع في مثل هذه الكتب. وهكذا ils ont rassemblé les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah رحمه الله en plusieurs volumes. Cette volume est fiha al-ilm al-kathir. Wa hakada les tafsir que les savants ils ont écrit eux-mêmes, comme tafsir Ibn Jarir, tafsir Ibn Kathir, tafsir al-Qurtubi, tafsir al-Baghawi, tafsir al-Shanqiti, alayhim rahmatullah jami'an, tous ces tafsir, tafsir kadhalik al-Imam al-Sa'di, tous ces tafsir bien sûr de a'immatu as-sunnah fiha fawaid kathira. فقال رحمه الله فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات من الأسرار وكم قد تضمنت من أنواع الثناء على إبراهيم أي سيفرس فيها أسرار وكنوز صحيح الذي يتأمل كي prend le temps de comprendre كلام الإمام ابن القيم رحمه الله va se rendre compte أن هذا القرآن bien sûr c'est كلام الله. Et vu que c'est kalamullah, c'est pas comme le kalam d'un bachar. Là, fi hadha le kalam des kunouz et des fawaid, lakin, il faut qu'on prenne le temps. Il faut qu'on prenne le temps pour apprendre la langue arabe awolan qui va nous permettre de lire hadha le Qur'an et de comprendre les sens en langue arabe. Wa hakada, en revenant aux imams de la sunna. Qala wa kayfa jama'at adab al-ziyafa wa huquqaha. Donc ces versets, il montre les mérites de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Wa kadhalik le comportement al-adab 'inda at-ta'am wa kadhalik adab adh-dhiyafa. Les comportements à avoir quand on mange, quand on accueille un invité. Qal wa kayfa yura'a adh-dhayf wa ma tadammanat min ar-radd 'ala ahli al-batil min al-falasifati wal-mu'attila. Ta'ammal hadha anna as-sayyidi fi qissati Ibrahim avec ses invités les anges. C'est, il y a une réfutation contre Al-Mu'attila Al-Jahmiya. قال وكيف تضمنت علما عظيما من أعلام النبوة وكيف تضمنت جميع صفات الكمال التي مردها إلى العلم والحكمة. كذلك ces versets englobent tous les attributs parfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال وكيف أشارت إلى الدليل إمكان المعاد بألطف إشارة وأوضحها ثم أفصحت ببقوعه وكيف تضمنت الإخبار عن عدل الرب وانتقامه من الأمم المكذبة وتضمنت ذكر الإسلام والإيمان والفرق بينهما. Tout ça, inshallah ta'ala, سيأتي معنا. On va lire la parole d'Ibn Qayyim. Il a détaillé tous ces points. Lakin, avant de citer en détail, rahimahullah, il a montré biljumla, sous forme de question, ce que ces versets renferment comme ilm. Qala, wa tadammanat baqa'a ayati rabb addala ala tawhidihi wa sidqi rusulih wa ala liyoum al-akhir wa tadammanat annahu la yantafi'u bihada kullih illa man fi qalbihi khawfun min azab al-akhira wa hum al-mu'minun biha wa amma man la yakhafu al-akhira wa la yu'min biha fala yantafi'u bitilka al-ayat. فاسمع الآن بعض تفاصيل هذه الجملة. Après avoir cité بالجملة, en résumé tous ces points, الآن رحمه الله, on va lire son كلام et سترى العجائب من الفوائد والعلم. قال رحمه الله, قال الله تعالى, هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. فافتتح الله سبحانه القصة بصيغة موضوعة للاستفهام. نعم, الله سبحانه وتعالى il a cité ce récit et le premier verset c'est sous forme de question. هل أتاك, est-ce que le récit des invités de Ibrahim al-Mukrami était parvenu. Et il y a une faïda عظيمة. قال ابن القيم رحمه الله وليس المراد به حقيقته من الاستفهام, نعم. C'est sous forme de question, لكن le sens, c'est pas une question. قال ولهذا قال بعض الناس إن هل في مثل هذا الموضع بمعنى قد قد لا تقتضي التي تقتضي التحقيق. هل أتاك حديث إبراهيم؟ C'est sous forme de question, لكن le sens c'est التحقيق أي les invités d'Ibrahim إلى آخره. أي c'est sous forme ou le sens plutôt c'est une affirmation et la forme c'est une question. Et ça c'est min asrar اللغة العربية. قال إن هل في مثل هذا الموضع بمعنى قد التي تقتضي التحقيق ولكن في ورود الكلام في مثل هذا الاستفهام في مثل هذا الاستفهام سر لطيف ومعنى بديع. Beaucoup de versets Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il cite des récits Azza wa Jal, il commence par cette forme, sous forme de question. قال فإن المتكلم إذا أراد أن يخبر مخاطبه بأمر عجيب ينبغي الاعتناء به وإحضار الذهن له صدر له الكلام بآدات تنبه سمعه وذهنه للخبر فتارة يصدره بألا وتارة يصدره بهل فيقول هل علمت ما كان من كيت وكيت. هذا c'est pour qu'on soit plus concentré. فلهذا ابن القيم رحمه الله il a montré أن أنت أحيانا quand tu veux raconter une chose à ton interlocuteur, un ami, un proche ou autre, si tu veux attirer son attention, cite ce que tu veux citer sous forme de question. Madeleine, Anta, tu as vu quelque chose, il s'est passé quelque chose, tu as une information et tu veux lui dire, tu veux lui montrer. Avant de lui citer l'information, tu cites cette question. Matalan, est-ce que tu as entendu de parler de kada et kada et kada? Ou ça va attirer son attention. Ben, il va te dire là. S'il ne connaît pas, il va te dire là, je n'ai pas entendu. Et il va attendre la réponse. Khassatan, si c'est quelque chose de azim, quelque chose d'important. Falihada qala azza wa jal, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Sous forme de question, falqari, quand il récite et comprend, il attend. Et c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'il s'est passé? ثم يقرأ الآيات ويستفيد. قال إما مذكرا به وإما واعظا له مخوفا وإما منبها على عظمة ما يخبر به وإما مقررا له. نعم. إما c'est parce que c'est une information importante. إما c'est pour conseiller son interlocuteur quelque chose de très très important. إما c'est pour appuyer cette chose. المهم des sens qui sont connus en langue arabe. قال فقوله تعالى هل أتاك حديث موسى وقوله هل أتاك نبأ الخصم وقوله هل أتاك حديث الغاشية وقوله هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين متضمن لتعظيم هذه القصص والتنبيه على تدبرها ومعرفة ما تضمنته. فسألوا مطر tous ces exemples qu'il a cités. وهذا c'est كثير في القرآن. هل أتاك حديث موسى؟ Est-ce que tu as reçu le récit de Moussa? ثم الله سبحانه وتعالى il a cité ces récits dans le Coran al-Karim. هذا c'est pour montrer l'importance de ces récits. Ce n'est pas des histoires qu'on lit et qu'on raconte فقط comme les histoires de quelconque. أبداً. Ça c'est des histoires de Anbiya, des histoires de Rasul. Des histoires que Allah subhanahu wa ta'ala nous a citées, كذلك des peuples qu'il a châtiés. لماذا لأن في هذه القصص عبر ومواعظ pour celui qui a un cœur. قال والتنبيه على تدبرها كذلك ça nous montre هذه الصيغة cette formulation هل أتاك هل أتاك ça nous montre on doit faire des efforts pour méditer, ne pas lire هكذا. ربما une histoire, que ce soit celle de Moussa ou de Ibrahim alayhim as-salatu wassalam ou autre dans le Coran, et on n'a retiré aucune faïda. On n'a pas compris. Ces histoires, ces récits, Allah subhanahu wa ta'ala les a cités. Pourquoi? Parce qu'il y a un énorme profit pour nous. Kathira, l'histoire, elle se répète. Les ennemis d'Ibrahim et de Moussa, tout ce qu'ils leur ont fait, comment Allah subhanahu wa ta'ala les a secourus, les causes qu'ils ont fait. Tu en as besoin, anta akhi al-karim. Tu as les mêmes ennemis. Al-kufru millatun wahida. Yatafawatun wa illa va À notre époque, il y a des ennemis, il y a des gens qui combattent l'islam comme Pharaon il a combattu l'islam. Il y a des gens qui essaieront de te faire du mal comme ils ont essayé de faire du mal à Ibrahim. Wa hakada bien sûr l'histoire de notre prophète Mohammed alayhi salat wa salam. C'est pour ça que dans le Coran, il y a beaucoup de qasas, beaucoup de récits que Allah subhanahu wa ta'ala il a cité. Ta'ammal le récit, l'histoire de Youssouf alayhi salat wa salam. Il a été accusé à tort. Il a été emprisonné. Il a subi beaucoup d'injustices. Thumma Allah subhanahu wa ta'ala nassara. Allah subhanahu wa ta'ala il a élevé une sourate entière, sourate Yusuf, fiha ibar pour al-mu'min. Wa hakada les récits de Moussa et autres, alayhim as-salatu was-salam. Qala wa fihi amrun akhar wa huwa at-tanbih ala anna ityan hadha إليك علم من أعلام النبوة فإنه من الغيب الذي لا تعلمه أنت ولا قومك فهل أتاك من غير إعلامنا وإرسالنا وتعريفنا أم لم يأتك إلا من قبلنا كذلك سسموت علم من أعلام النبوة كما قال رحمه الله. Ça c'est un miracle parmi les miracles du prophète alayhi salam salam. Il a reçu la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala et il a cité ses récits, il les a propagés et ses versets du Coran. Et qui c'est qui l'a informé? Bayna al-Nabi alayhi salatu salam et bayna Ibrahim ou Moussa ou Isa alayhi salatu salam jami'an, il y avait des siècles et des siècles. Ça montre un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu avec la vérité, il a propagé la vérité. Et la preuve de hada, an ahl al-kitab, khassatan al-ulama minhum, qui connaissaient leurs livres et qui récitaient leurs livres, ils connaissaient ces histoires. De Moussa, de Isa, de Ibrahim, etc. Fa nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu cette révélation, hada al-Qur'an. Et c'était exactement les histoires que haoula, ils connaissaient, belle encore plus détaillées. Dans une langue encore plus éloquente. قال رحمه الله فانظر ظهور هذا الكلام بصيغة الاستفهام وتأمل عظم موقعه في جميع موارده يشهد أنه من الفصاحة في ذروتها العليا هذا القرآن chaque lettre, chaque formulation il y a des فوائد عظيمة. لكن pour pouvoir comprendre مثل هذا الكلام que l'imam Ibn al-Qayyim il a cité, il faut connaître la langue arabe. C'est quoi l'istifham en langue arabe? L'istifham, c'est une question. Et souvent, as-sira, c'est bi hal. Maintenant, tu dis hal, ra'ayta fulan, est-ce que tu as vu un tel? Enfin, dans le Coran, quand cette formulation elle est citée, il y a des fawa'id azim. Chaque lettre. C'est pour ça qu'on doit prendre le temps. Lakin, pour prendre le temps, il faut avoir la capacité. Bon, il y a celui qui ignore cette langue et qui veut prendre le temps, il n'y arrivera pas. Là, au bout de qu'on fasse des causes. قال وقوله ضيف إبراهيم المكرمين متضمن لثنائه على خليله إبراهيم فإن في المكرمين قولين. Ce passage ضيف إبراهيم المكرمين, أي les invités de Ibrahim. Ces invités, ils ont été caractérisés de مكرمين, أي وصفوا بأنهم أكرموا. Et ils ont été bien accueillis, ils ont été honorés. Ah, ça montre les mérites d'Ibrahim. C'était ses invités et Allah subhanahu wa ta'ala wasafahum bil mukramin. Donc ils ont reçu du karam, ils ont été honorés, ils ont été bien accueillis. Qui c'est qui les a accueillis, qui c'est qui les a honorés? C'est Ibrahim alayhi salatu wassalam. Falihada qala mutadhammin li thana'ihi ala khalilihi Ibrahim alayhi salatu wassalam fa inna fil mukramin qawlayn. Il y a deux interprétations de ce mot al-mukramin fi al-Qur'an. Qala ahaduhuma ikram Ibrahim lahum. Fa fihi madhhu lahu bi ikram adh-dhayf. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a qualifiés de mukramin? Annahum, ils ont été honorés, ils ont été bien accueillis. Pourquoi? Parce que c'est Ibrahim qui les a honorés, qui les a bien accueillis. Donc ce passage, ça montre les mérites d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Wa thani أنهم مكرمون عند الله كقوله تعالى بل عباد مكرمون وهو متضمن أيضا لتعظيم خليله ومدحه إذ جعل ملائكته المكرمين أضيافا له كذلك ينوت قول أنهم مكرمون أو dans le verset ضيف إبراهيم المكرمين أي الله سبحانه وتعالى c'est lui qui a honoré les malaïka et qui les a élevés كما في قول عز وجل بل عباد مكرمون أي les anges. Ça montre كذلك des mérites d'Ibrahim, en Allah Azza wa Jal, ses invités, ses anges que Allah il aime, que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé, ils sont mukramoun, عند Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala il a fait que ça devienne des invités de Ibrahim. Pourquoi? Parce que Allah il aime كذلك Ibrahim. Dans les deux cas, les deux explications, le verset il montre clairement certains mérites du prophète Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam. قال فعلى كلا التقديرين فيه مدح لإبراهيم. Dans tous les cas, cette partie, elle montre clairement des mérites du prophète et du messager Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et نحن نستفيد une faïda azima huna. Quand on récite et on a compris que ces invités, c'était des invités d'Ibrahim, et ils étaient honorés, ils ont été bien accueillis, ça nous montre qu'on doit faire des efforts pour accueillir nos invités, pour les honorer, pour prendre soin d'eux. Man kana yu'minu billah wal yawm al-akhir falyukrim dhayfa. Hakadha qala an-nabi alayhi salatu wassalam. Celui qui croit Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier, falyukrim dhayfa, qu'il honore son invité. Bit ta'am, avec de la nourriture, avec le kalam at-tayyib, avec des bonnes paroles, avec an-nasiha, avec des conseils, wa hakadha. قال رحمه الله وقوله تعالى فقالوا سلاما قال سلام. On a lu plutôt volontairement avec les harakat. لماذا؟ لأن هي une faïda azima. فقالوا سلاما, c'est بالنصب. قال سلام, c'est بالرفع. Vous avez remarqué que c'est le même mot سلام سلام, لكن قوله فقالوا, c'est les anges quand ils ont passé le salam. Allah subhanahu wa ta'ala il l'a cité بصيغة النصب, أنه plutôt il est mansoub, salaman. Et quand Ibrahim il a répondu, qala salamun. Ibrahim il a répondu, Allah subhanahu wa ta'ala il a cité as-sira, le mot bi rava, avec une dhamma. Qala mutadhamminun limadhin akhar li Ibrahim hayth radda alayhim ahsana mimma hayyu bih. Et on peut se poser la question, pourquoi le Rabb d'Ibrahim, la réponse d'Ibrahim, elle était meilleure que la formulation des anges. فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامًا. En apparence, c'est la même chose. Salam, salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala قَالَ فِي كِتَابِهِ الْعَظِيمُ وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحِيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. Ça fait partie de as-sunnah. C'est un bon comportement. Quand on te passe le salam, on te dit maintenant assalamu alaykum, tu dois répondre avec une formulation meilleure. Ou qala ou rudduha. C'est pas une obligation. Imma tu dis assalamu alaykum, si on te dit assalamu alaykum, tu dis wa alaykum assalam. Ahsan min hadha, tu dis wa alaykum assalam wa rahmatullah. وأحسن من هذا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Celui qui répond وعليكم السلام, il a 10 حسنات. Celui qui rajoute ورحمة الله 20 حسنات. Celui qui rajoute وبركاته 30 حسنات. كما جاء في الحديث الصحيح. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام il a répondu par une tahiyya, par une salutation meilleure. On se pose la question الآن, كيف هذا؟ فقالوا سلام قال سلام. قال ابن القيم رحمه الله فإن تحيتهم باسم منصوب متضمن لجملة فعلية تقديره سلمنا عليك السلام. دونك سلام هنا سي مفعول. سلمنا عليك, سلمنا أي هذا سي الفعل الفاعل. Ceux qui ont passé le salam c'est les anges. عليك السلام. دونك سي une جملة فعلية, c'est une phrase verbale en langue arabe. قال وتحية إبراهيم لهم باسم مرفوع متضمن لجملة اسمية تقديره سلام ثابت أو دائم أو مستقر عليكم. أما la réponse de Ibrahim, قوله سلام سلام, vous avez remarqué que c'est une جملة اسمية, c'est un مبتدأ سلام. Et il y a un تقدير, le خبر il a été حذف, et le تقدير c'est سلام, c'est le مبتدأ. Il faut un khabar salamun. Qu'est-ce qu'il a ce salam? Thabitun, ou daimun, ou mustaqirun. Ça nous montre ماذا? Ça nous montre qu'ala ou la raïf. Anna l'jumla tal ismiya taqtadi thubut ou l'ouzoum. Ça montre que la réponse de Ibrahim, le salam, il est plus fort. Il est plus profitable. Il reste plus longtemps. Salamun thabitun. Un salam qui reste et qui accompagne cette personne qui l'a reçu. هذا سنمطر أن بصيغة أو بالجملة الإسمية كانت المرفوع سيبلفور قال ولا ريب أن الجملة الإسمية تقتضي الثبوت واللزوم والفعلية تقتضي التجدد والحدوث أما الجملة فعلية سيناكسيون كي بيت ريتيري كي بيت رفت أما كانت الجملة الإسمية للسلام إغست سنمطر أن الجملة الإسمية لبلفورت كالفعلية هنا دون المعنى قال فكانت تحية إبراهيم أكمل وأحسن. Pour comprendre هذا, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la langue arabe. La traduction, tu n'auras jamais هذا. C'est pour ça que دائما on encourage nos frères et on se conseille et on essaie de s'entraider pour apprendre cette langue. لأن va ou vérifie la traduction. فقالوا سلاما قال سلام. Anna Madri, je n'ai pas la traduction en tête. Lakin, ils ont dû traduire. Anna, les anges, ils ont passé le salam et Ibrahim, il a répondu. Peut-être qu'ils ont gardé le mot salam. Salam, salam. Ils ont passé le salam, Ibrahim, il a répondu au salam. Est-ce que tu comprends comme cette explication que l'imam d'Al-Qayyim, rahimahullah, en rentrant dans les profondeurs de la langue arabe? Abadan. Et هذا c'est un mythal. On répète, Anna. واحد يبوس تمندي خاصة سيلا باسيستي او ديبي دو كور معنا يبوس سو بوزو لا كيستيون مي بوركوا ابن القيم يسيت هذه الفوائد سامثال الى شوازي ان فيرسي رحمة الله عليه بور نو مونتري كيسكو تو بو روتيري دان فيرسي لا فورمولاسيون سي اون كيستيون ام لا كذلك نيفو لانغ عرب سي لي مرفوع لو مو او منصوب سي با لا ميم شوز وهكذا فوائد كثيرة قال ثم قال قوم منكرون وفي هذا من حسن مخاطبة الضيف والتذمم منه وجهان من المدح قوله قوم منكرون الإمام البغوي رحمه الله قال غرباء لا نعرفكم لا نعرفكم غرباء لا نعرفكم قوم منكرون أي إبراهيم عليه السلام قال قوم منكرون أي لا montré qu'il ne les connaissait pas il les a jamais vus نعم c'était des anges qui ont pris l'apparence d'être humain d'homme فإبراهيم les avait jamais vus. قال قوم منكرون. On essaie دائما de faire le lien avec le verset. فقال سلاما قال سلام قوم منكرون. Il leur a répondu سلام قوم منكرون. أي il a montré أنه il ne les connaissait pas. هذا كذلك فيه مدح. Ça montre le bon comportement d'Ibrahim et ses mérites عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم رحمه الله. هذا من وجهان. نعم وجهان من المدح أحدهما أنه حذف المبتدأ هنا on précise أن beaucoup de ces فوائد vous avez remarqué c'est lié à la langue arabe c'est lié au نحو ou autre à la grammaire ou autre et ceux qui n'ont pas étudié la langue arabe ربما ils auront un peu de mal à suivre et on ne peut pas traduire tout ça sera encore plus compliqué enfin ceux qui n'ont pas étudié la langue arabe l'amr sahl Ils essayent de profiter et ça doit les pousser. Hada, c'est taïeb, ça doit nous pousser. Si on n'arrive pas à comprendre ces choses, ça doit nous pousser à faire des efforts pour comprendre. Fata'ammal anta, si on aurait le niveau de l'imam al-Qayyim rahimahullah dans la langue arabe. Et on ne doit pas se dire que ce n'est pas possible. Là, on fait des efforts. Et fadlullah wasi' wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à qui il veut. Il peut te donner min al-ilm. Ce qu'il n'a pas donné à d'autres, ou comme à certains. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Donc, ça doit nous pousser. Ça doit nous pousser à faire des efforts. Celui qui a un bon niveau en langue arabe, ça y est, le Coran, il va prendre du plaisir. Combien de mots, combien de tournures de phrases, combien de formulations, ça y est, ça va faire monter son iman. Khassatan, bien sûr, en revenant à Kutub Ahl al-Ilm. فقال رحمه الله أحدهما أنه حذف المبتدأ التقدير أنتم منكرون نعم قال قوم منكرون إلى بدي أنتم قوم منكرون قال فتذمم منهم ولم يواجههم بهذا الخطاب لما فيه من بعض الاستيحاش، بل قال قوم منكرون. ولا ريب أن حذف المبتدأ في هذا من محاسن الخطاب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا بما يكرهه، بل يقول ما بال أقوام يقولون كذا ويفعلون كذا. نعم، لا بدي أنتم أي vous êtes des personnes que je ne connais pas. لا، لأن le fait de dire vous êtes ربما ça les met mal à l'aise أو ça les aurait mis mal à l'aise ces invités. Au départ, ils ne savaient pas que c'était des anges. لكن قال قوم منكرون. ابن القيم رحمه الله il a cité أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. Quand أحيانا il voulait montrer une chose, il n'y avait pas un profit de citer qui c'est qui a fait cette chose. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بال أقوام يقولون كذا ويفعلون كذا. أي certains ils font telle chose, certains ils disent telle chose. ثم النبي صلى الله عليه وسلم il montrait à savoir pour que les gens ils se corrigent. Sans citer un tel et un tel. فهذا c'est une faïda azima dans le bon comportement. أحيانا il peut se passer une chose, t'as vu une chose, t'as entendu une chose et tu veux conseiller et t'as peur de si tu cites un tel ou un tel, Robama, il y a une meuf sada et tu sais que la faïda elle va être inshallah remplie avec cette formulation sans citer la personne. Alhamdulillah, tu peux dire anna, certains ils disent ou si on entend dire telle chose, al-afdal telle chose, celui qui entend, il va comprendre. Il va comprendre que lui-même, il fait cette chose, et il se corrigera. Tambih, une remarque. Ba'adhu, ahl al-bida'a, wa al-za'irin wa al-dullal, ils prennent comme argument hada pour dire qu'il ne faut pas réfuter les autres et les citer. Ça, c'est batil. Ça montre qu'anahum, ils suivent leur passion. Et anna ce hadith, c'est un hadith. Et on a bien précisé, Anna, si tu peux conseiller sans citer, et inshallah, l'objectif il est accompli, alhamdulillah. Maintenant, on est dans une pièce. Et on sait que Wahad, il fait telle chose, il a akhiri, on veut conseiller. Et on sait qu'il écoute, walillahi alhamd. On n'a pas besoin de le citer. On dit, Anna, le fait de dire telle chose, c'est pas taillé, mais on montre, et alhamdulillah, il écoute, et il se corrige. Enfin, alhamdulillah, on n'a pas besoin de dire, c'est un tel qui parle. Lakin, أهل البدع والضلال qui propage الشر qui propage les fitnes, on est obligé de les citer. On est obligé de les citer. النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك سمى الله فاحذروهم. Et السلف رضي الله عنهم أجمعوا أن الرد على أهل البدع en les citant c'est une obligation et c'est مشروع, c'est légiféré. Ça nous montre qu'on ne doit pas prendre qu'une partie des textes. أهل الضلال يبخن كثيرا سوء حديثة يديز النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا يتول أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى كونسي أن سيطان كذلك الصحابة رضي الله عنهم كذلك السلف إذن ميان قاعد كنتر أنتل أنتل المعتزلة والجهمية والروافض توسا أن للس لا أن دوا غاسمبلي أن دوا غاسمبلي بين الأدلة. قال والثاني لدوزيام بوان قوله قوم منكرون فحذف فاعل الإنكار وهو الذي كان أنكرهم كما قال تعالى في موضع آخر نكرهم أي إبراهيم. ولا ريب أن قوله منكرون ألطف من أن يقول أنكرتكم. نعم لا شك quand tu dis à واحد أنكرتكم je ne te connais pas, c'est pas comme quand tu بهذه en langue française c'est compliqué de traduire notamment, لكن en langue arabe c'est واضح. قوم منكرون سبكم أنكرتكم. قال قوله فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. متضمن وجوها من المدح وآداب الضيافة وإكرام الضيف. Cette partie, العلماء رحمة الله عليهم, ils ont cité beaucoup de comportements liés à l'invité et كذلك tout ce qui est en relation avec le repas. قال منها قوله فراغ إلى أهله والرغوان الذهاب في سرعة واختفاء. تأمل هذا. قال عز وجل فراغ إلى أهله. فراغ إلى أهله. الله سبحانه وتعالى ما قال فذهب. لا بدي لبختي. voir sa femme ou chez sa femme. قال فراغ. فراغ إلى أهله. الرغوان c'est le fait de partir rapidement et discrètement. تأمل ces deux choses. C'est lié à l'invité. Quand il a reçu donc ses invités, il leur a passé salam, ils sont rentrés chez lui, etc. Il ne savait pas encore que c'était des anges. Il est parti discrètement et rapidement voir sa femme. Pourquoi? قال وهو يتضمن المبادرة إلى إكرام الضيف والاختفاء ترك تخجيله وأن لا يعرضه للحياء وهذا بخلاف من يتثاقل إلى آخره. Pourquoi? C'est pour mettre à l'aise ses invités. Le fait de partir discrètement, rapidement voir sa femme, et pour ne pas que les invités y ressentent أنهم ils ont dérangé Ibrahim عليه الصلاة والسلام. Avec la suite, ça va être plus clair. قال وهذا بخلاف من يتثاقل يتبارد على ضيفه ثم يبرز بمرأة منه ويحل صرة النفقة ويزن ما يأخذ ويتناول الإناء بمرأة منه ونحو ذلك مما يتضمن تخجيل الضيف وحياءه فلفظة راغة تنفي هذين الأمرين. ابن القيم رحمه الله il a cité des détails importants pour comprendre. Amma anta mathalan, si tu reçois des invités, thumma devant ces invités, tu sors ton porte-monnaie pour regarder combien t'as d'argent, pour aller faire les courses. Thumma kadhalik, devant eux, tu ouvres les armoires et tu cherches des assiettes, ila arele. Hum, en te voyant faire tout cela, ils vont être mal à l'aise. Directement, ils vont se dire, mais on l'a dérangé. Amma, si tu sors discrètement et rapidement, thumma, tu vas voir mathalan ton épouse. Qu'est-ce qu'elle a besoin pour les inviter? Hum, ils n'entendent pas tout cela. Thumma, tu reviens vers eux. Thumma, à la fin, kamasayati, tu leur apportes un repas. Fala shakanna, fi hadha al-hal, ils vont pas sentir annahum, ils sont thaqil alayk. Annahum, ils t'ont imposé une charge, annahum, ils t'ont dérangé, ila akhir. Amma, wahad mathalan, ces invités, ils sont dans une pièce, et huwa, il ne va pas discrètement voir son épouse, bel et hausse la voix, et il demande à son épouse qu'est-ce qu'il faut. Et Obama, il a un ton, Anahu, il est en colère, Anahu, il est fatigué, il a. Les invités, ils seront très très gênés. هذه الفوائد العظيمة تأمل دمو من القرآن فراغ. Ce fait, Anahu, il est sorti discrètement et rapidement, تستفيد toutes ces فوائد. قال وفي قوله إلى أهله مدح آخر لما فيه من الإشعار بأن كرامة الضيف معدة حاصلة عند أهله وأنه لا يحتاج أن يستقرض من جيرانه ولا يذهب إلى غير أهله إذ نزول الضيف حاصل عندهم. Et ça, c'est une فائدة عظيمة. أن إبراهيم il est parti voir son épouse. لماذا؟ لأن tout ce que les invités ils avaient besoin comme nourriture, boisson, il a arrêté. Wallillahi alhamd, Ibrahim, il savait que tout cela, c'était chez son épouse. En général, c'est la femme qui s'occupe de hada. Donc hada, ça montre quoi? Ça montre un al-dhaif, l'invité, quand il sait que, wallillahi alhamd, t'es pas sorti, t'es pas parti acheter, t'es pas parti demander au voisin, il a arrêté. Ça le met dans une situation, wallillahi alhamd, où il est pas gêné. La preuve, tout le monde a déjà été invité, et quand il voit sahibul bayt, hey, celui qui l'a invité, quand il le voit sortir ou aller acheter, directement tu sens une gêne. Et on a tous dit, mathalan, là, ne sors pas, pas besoin, il a akhiré. Fa Ibrahim, alayhi salatu salam, tout cela, il l'a évité. Faraga ila ahlihi, discrètement, rapidement, chez son épouse, pour ne pas qu'il pense, annahu, il va sortir et il va aller acheter des choses, il a akhiré. Qala, wa qawluhu faja'a bi'ijlin samin. يتضمن ثلاثة أنواع من المدح ثم il est venu عليه السلام بعجل العجل c'est un veau et samin c'est ce veau il était en bonne santé et il avait un il était pas maigre etc aïe un veau qui était طيب il l'a sacrifié et ils l'ont cuisiné pour ses invités فجاء بعجل samin. Avant de lire t'as pose-toi la question: quelle faïda tu vas tirer de hada? Anna Ibrahim, il est venu avec un veau pour ses invités. Quelle faïda? Al-ulama yadhkurun des fawaïd kathira hunavi al-akhlaq, dans les bons comportements et la façon d'accueillir son invité. Ta'ammal, qala ahaduha, premièrement, khidmatu dhaifihi binafsihi fa'innahu lam yursil bihi innama ja'a bihi binafsih. Ça montre Anna Ibrahim, alayhi salam, il a accueilli ses invités lui-même. Et le service, il l'a fait lui-même. Limada, li anna, le fait de prendre soin de son invité, il y a un ajr azim. Il n'a pas eu besoin d'appeler quelqu'un d'autre. Il a fait les choses lui-même, alayhi salatu salam. Ça montre kadhalik la modestie at-tawadhu. Si tu accueilles des invités, anta sahib al-bayt, t'es aoula pour emmener la nourriture. Ou hakada, si c'est des hommes, c'est l'homme qui s'occupe. Ibrahim, alayhi salam, il est parti voir sa femme elle a préparé la nourriture, c'est lui qui a emmené la nourriture à ses hommes. Amma ce que ils font, si tu es invité, tu savais pas, t'es assis et t'auras une femme rentrée, celle qui emmène la nourriture. Les femmes, elles se mélangent pas aux hommes. Certaines dans ce genre de situation, et Obama, elle est pas vêtue avec le hijab, elle est découverte. Ils font une autre erreur. Ils envoient leur fille. C'est leur fille qui fait les allers-retours. Et la fille, elle atteint un certain âge. La fille qui atteint 9, 10, 11, 12 ans, rien, c'est une femme. Celui qui fait le service pour les hommes, c'est les hommes. Celui qui fait le service pour les femmes, c'est les femmes. Hakada, pour fermer les portes, et hakada, on applique ma jaa fi kitab Allah azza wa jal. Qala athani, deuxième point, annahu jaa'ahum bi hayawan tam lam ya'tihim bi ba'dih li yatakhayyaru min atyab lahmihi ma sha'u. Et hada c'est muhim fi adh-dhiyaba. Annahu, il a pas emmené une partie de la bête, ce veau. Il a pas emmené que l'épaule ou telle partie. Il a emmené le veau entier. Hatta les invités, Obama, cet invité, il aime pas cette partie. Il ne supporte pas, il ne peut pas manger cette partie, il préfère l'autre. Enfin, il leur a posé le plat avec le veau entier. Et que le wahid, il mange la partie qu'il veut. Hada, bien sûr, c'est celui qui a le qudra. Ibrahim, alayhi salam, si il a sacrifié ce veau et ils l'ont préparé, ils l'ont cuisiné, c'est qu'il le possédait. Walillahi alhamd, il avait les moyens. Wa illa, celui qui a pas les moyens, falhamdulillah, s'il a qu'une partie, pose que la partie. Lakin, on parle si l'insan, il a, walillahi alhamd, la capacité, al-qudra, et il a les moyens. Le fait d'honorer, de prendre soin de ses invités, tu as un ajr azim, indallah, azza wa jalla. قال الثالث troisième point انه سمين ليس بمهزول وهذا من نفائس الاموال ولد البقره السمين نعم ça fait partie des meilleures bêtes à sacrifier ولد البقره السمين اي العجل اي le veau le petit de la vache et Allah subhanahu wa ta'ala il l'a qualifié de samin. Samin, c'est le contraire de maigre. Samin, c'est qu'il est en bonne santé. Il y a beaucoup de viande, etc. Enfin, Ibrahim, alayhi salam, il a sacrifié cette bête qui avait de la valeur. Qala fa min karamihi hana alayhi dhabhu wa ihdaru. Tellement qu'Ibrahim, alayhi salam, c'est le meilleur être humain après notre prophète Mohammed, alayhi salam. C'est Khalilu al-Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris deux Khalil. Notre prophète Mohammed, alayhi salam, et Ibrahim, alayhi salam. Fa hana alayhi. Et il ne s'est pas posé un instant, est-ce qu'il va sacrifier cette bête Amla directement? Ils ont préparé la bête pour ses invités. Ta'ammalou, on répète. N'oubliez pas, Annahu, il ne les connaît pas. Il les a jamais vus. Des hommes qui sont venus, il les a accueillis. Et hadal karam al-azim. Avec des gens qui ne connaissaient pas, alayhi salatu wassalam. Qala, فقوله إليهم متضمن لمدح وأدب آخر وهو إحضار الطعام إلى بين أيدي الضيف بخلاف ما يهيئ الطعام في موضع ثم يقيم ضيفه فيورده عليه ثم إليهم قال عز وجل on répète le verset فقربه إليهم فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينَ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ. Donc il est venu avec un veau en bonne santé, il a akhiré, فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ, et il a approché le plat avec ce veau devant ses invités. تستفيد من قوله إِلَيْهِمْ un adab azim. قال ابن القيم, un bon comportement qu'on doit avoir avec nos invités, وَهُوَ إِحْضَرَ الطَّعَامِ إِلَى بَيْنَ أَيْدِ الضَّيْفِ. Tu emmènes la nourriture devant l'invité. Amma, le faire déplacer d'endroit à endroit, le dhaif, l'invité, va se sentir gêné. Peut-être qu'il a été déplacé de cette chambre parce qu'il y a telle chose, peut-être. Amma, l'insan, et à notre époque, walillahilhamd, dans beaucoup de foyers, il y a des endroits pour Adhuyuf en général, ou Ahad, il a toujours un endroit. Enfin, essaye de mettre ton invité directement dans l'endroit où tu sais qu'il ne va pas se déplacer. Mais le mettre dans un endroit. Thomas, le déplacer, parce que peut-être une femme, elle doit passer. Oh, Foulan, il va rentrer. Oh. Le dhaif, l'invité, il va se sentir gêné. Ben, il va savoir clairement, Anaho, cet endroit où qu'il est, ça pose problème. Donc, on doit le déplacer. Donc, au départ, ça nous montre كذلك أن الإنسان كي a والله الحمد un بيت واسع une maison assez grande et qui a les moyens et qui reçoit des invités, non, il essaye d'avoir une chambre, un salon ou autre pour les invités. حتى l'invité quand il est assis il ne bouge pas. حتى la nourriture elle arrive devant lui. كما فعل إبراهيم فقربه إليهم. وقوله قال ألا تأكلون أي quand il aura rapproché le plat il leur a dit ألا تأكلون تأمل كذلك cette formulation قال أي إبراهيم il leur a dit ألا تأكلون est-ce que vous allez manger هكذا si on peut le traduire فيه مدح وأدب آخر فإنه عرض عليهم الأكل بقوله ألا تأكلون on répète les invités c'est des anges ils ne mangent pas إبراهيم عليه الصلاة والسلام quand il a approché la nourriture Il a vu ces hommes, personne n'a tendu la main pour manger. Faqad ala ta'kulun. Ta'ammal ce ta'bir, cette douceur. Wa hiya sighatu 'ardhin mu'adhdhinatun bit-talattuf bi khilaf man yaqul dha'u aydikum fi at-ta'am, kulu, taqaddamu wa nahwu dhalik. Et ça arrive كثيرا. Surtout ceux qui ne connaissent pas ce genre de comportement, qui n'ont pas étudié le Coran, qui n'ont pas pris le temps d'étudier Sunnat an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils mettent mal à l'aise l'invité. Wa'aduhum madalan, ils insistent. Mange. Pourquoi tu manges pas? T'aimes pas le plat. Et wa'aduhum, ils approchent avec leurs mains la nourriture. Tout ça, c'est pas min al-adab. Les anna, même si l'invité veut manger, dans ce cas-là, il va être très très gêné. Autre chose. Les mada, c'est pas min al-sunna d'insister. Et surtout avec hadhihi as-sira, avec un ordre. Vous avez remarqué que Ibrahim, il n'a pas donné d'ordre. Il a dit, ala ta'kulun. Est-ce que vous allez manger? Fadhif, il va dire, non, inshallah, s'il veut manger. Amma, mange, c'est un ordre. Et l'invité, vu qu'il n'est pas chez lui, l'ordre, même s'il n'a pas faim, même s'il n'aime pas ce plat, il va être obligé de manger. Falihada, al-ulama, yaqulun anna mitla hada, il faut l'éviter. Et khassatan bil kathra. On répète, l'invité, peut-être que ça arrive, il a une allergie, il peut pas manger cette chose. Ça arrive, Anahu, il peut pas supporter ce plat. L'être humain, il est hakada. Certains plats, tu peux pas les supporter, tu peux pas l'avaler. Donc, fi hadha al-hal, quand tu vois que ton invité, il ne tend pas la main, là, ben, au départ, pour le mettre à l'aise, ala ta'kulun. Peut-être que il est pudique et il a du mal à, thumma, quand tu vois que il ne mange pas, n'insiste pas. Alhamdulillah, ta'am, il est devant lui. S'il veut manger, il va manger. كذلك, تقدم معنا أنه peut-être que نعم, cette chose, il n'aime pas, etc. بعض الناس, مثلا, ils ont du mal avec certaines viandes. La viande de mouton, par exemple, beaucoup de gens, ils ont du mal. ففي هذا الحال, si tu as posé ce plat avec cette viande et tu vois qu'il mange, لكن il mange pas la viande de mouton, فلا بس, une fois, ثم n'insiste pas. N'insiste pas, لأن c'est pas من الآداب. الإمام ابن كثير رحمه الله إلى سيتي نوتر فائدة عظيمة عند هذه الآية قال وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة Ce verset c'est une référence dans les bons comportements. Si tu veux apprendre comment te comporter en mangeant et avec tes invités, tu as ce verset. Bien sûr, d'autres versets et des hadiths du prophète عليه الصلاة والسلام. قال انتظمت آداب الضيافة فإنه جاء بطعامه من حيث لا يشعرون كما تقدم معنا. Vous avez remarqué qu'il est venu avec la nourriture très rapidement. Bien sûr, ça a demandé du temps, préparer un veau, il a akhiré, lakin il a fait le plus rapidement possible كما تقدم معنا et il est venu وهم لا يشعرون alors qu'ils ne s'y attendaient pas. ثم قال وهذا تقدم من كلام ابن القيم لكن ينطف إذا قال ولم يتمن عليهم أولا فقال أفأتيكم بطعام بل جاءه بالسرعة وخفى أي سأسين فائدة نفيسة أخي الكريم أي إبراهيم عليه الصلاة والسلام il est pas parti demander à ses invités est-ce que vous voulez manger ou est-ce que Est-ce que ça vous ne dérange pas Kada? Est-ce que vous voulez Kada? Il ne leur a pas parlé niveau nourriture. Ça, c'est minal adab. Amma, recevoir un invité. Thumma, cet invité est assis. Et s'il a été invité, un invité, c'est connu. À toutes les époques, dans tous les endroits, un invité, quand il est invité, il va manger, il va boire. C'est tout à fait normal. Amma, lui demander, est-ce que tu veux manger? Fahuna, c'est un mauvais comportement. Limada, il y en a cet invité, Vajini. Peut-être qu'il a très très faim, il va dire là. Là, minal adam, c'est de préparer, selon ses capacités, thumma tu poses. Ce que cet invité va manger, alhamdoulilah, t'es ma'djour. Ce que l'invité va laisser, alhamdoulilah, tu le récupères, tu en profites, toi et tes enfants. Ah, ça, c'est minal adab al-muhim. On évite hada. Et kadal, hada, c'est beaucoup plus vaste qu'avec les invités. Si tu veux faire du khair, akhi, nasiha, ne te limite pas, ne te mets pas des obstacles avec des questions. Maintenant, ba'dhanna, s'il voit un pauvre. Le pauvre, là, chèque, c'est un pauvre, il est bihaja, Obama, il est dans la rue. Ils vont le voir, est-ce que tu as besoin de telle chose? Ya akhi, si tu veux lui donner, donne. Est-ce qu'un pauvre, maintenant, si tu lui tends un billet ou un sac de nourriture, ça va le gêner? C'est un pauvre, alhamdoulilah, il va prendre et il va faire dua pour toi. Donc, hada, il faut qu'on apprenne à éviter ce genre de choses. Ba'dhannas, sinin, pendant une longue durée, et à cause de cela, ils ne font pas très. Ils ont une bonne intention. Et la bonne intention, tu as une récompense. Lakin, ils se privent eux-mêmes. Alors qu'ils ont les moyens. Lakin, ils ont cette habitude. Ils voient un pauvre ou quelqu'un qui a un besoin. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? N'hésite pas, demande-moi si tu as besoin. Là, certaines personnes, ils demanderont jamais. Al-if, ou al-qana'a, khasatan al-ladhi tarabba ala al-ilm wa sunnah, il ne demandera pas. Sauf en cas de, il n'a plus le choix. Enfin, si tu veux faire du khair, ne te prive pas. Et ne sois pas la cause de priver les autres. Là, fais du khair. Fais du khair. Madalan, un pauvre, et tu veux lui donner quelque chose, argent ou autre, ne va pas lui demander ce que tu as besoin, n'hésite pas. Là, prends cette chose et donne-lui. Et il va faire dua pour toi et tu as une énorme récompense. Et, alhamdulillah, al-dalil ala hada, c'est le comportement d'Ibrahim, al-nahu, il aura apporté directement la nourriture sans demander. Ou plutôt, on avait rajouté une faïda de l'imam Nukathir, rahimahullah, dans son tafsir. ثم قال قال وقوله فأوجس منهم خيفة لأنه لما رآهم لا يأكلون من طعامه أذمر منهم خوفا أن يكون منهم شر فأوجس منهم خيفة أي quand il a vu qu'ils n'ont pas tendu la main pour manger. Et هذا في الحقيقة c'est pas normal. Des invités et صاحب البيت il leur emmène un plat خاصة عجل سمين un veau de la viande et personne mange, c'est qu'il y a un problème. فَلِهَذَا فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَ Ibrahim, alayhi as-salam, il s'est posé des questions. Il y a un problème, il y avait quelque chose qui n'était pas normal. قَالْ فَإِنَّ الضَّيْفِ إِذَا أَكَلَ مِنْ طَعَامُ رَبِّ الْمَنْزِلِ اتْمَأَنَّ إِلَيْهُ وَأَنِسَ بِهِ فَلَمَّا عَلِمُ مِنْهُ ذَلِكَ Et ça nous montre, Anna, akhi, si tu es invité, et sahib al-bayt, il pose de la nourriture, et bien sûr, on ne cite pas les cas exceptionnels, insan, il est allergique, il ne peut pas toucher ce plat, matelan, cette nourriture, ou vraiment il ne peut pas, il ne supporte pas, il ne peut pas manger. Alhamdulillah, il a son oud. Mais si tu as faim et sahib al-bayt il a mangé, ce n'est pas minal adab de ne pas manger par modestie. Là. La modestie, c'est de manger. Le fait de ne pas manger, ça va toucher celui qui t'a invité. La preuve, قَوْلُهُ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَ Ibrahim, il s'est posé des questions, ça l'a touché. Pourquoi il ne mange pas? Il y a quelque chose. Donc, hada, ça nous montre, si tu es invité, Akhil Karim, mange. Wa'lam, celui qui t'a invité que parce qu'il t'aime, parce qu'il tient à toi et parce qu'il veut t'honorer. Et si tu manges, ça lui fait énormément plaisir. Ne crois pas que ne pas manger et penser que je vais lui laisser pour lui et ses enfants, Nahu, tu vas lui faire plaisir. Là, Wa'lam, ils essayent de faire ahyanan du bien, lakin, ils s'y prennent mal et robbama. يقعون في الشر قال فإن الضيف إذا أكل من طعام رب المنزل اطمأن إليه وأنس به فلما علموا منه ذلك قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم نعم quand ils ont vu que Ibrahim il s'est posé cette question et il a vu qu'il n'avait pas mangé ils lui ont dit directement قالوا لا تخف et il n'est pas peur وبشروه بغلام عليم هنا il a su que c'était des anges. Ils lui ont annoncé cette nouvelle. وهذا الغلام إسحاق لا إسماعيل لأن امرأته عجبت من ذلك وقالت عجوز عقيم لا يولد لمثلي فأن لي بالولد. نعم. Et la femme de Ibrahim, elle a été étonnée. Cet enfant, c'était Ishaq. Il lui a annoncé la naissance de Ishaq, alayhi salatu wassalam. قالوا أما إسماعيل فإنه من سريته هاجر وكان بكره وأول ولد. أما إسماعيل, c'était le premier enfant d'Ibrahim, le plus grand. أما هنا, cet enfant, الغلام العليم, c'était إسحاق. قال وقد بين سبحانه في سورة هود في قوله تعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. نعم, dans سورة هود كذلك, ce récit d'Ibrahim عليه الصلاة والسلام avec ses invités les anges, il est cité, et هناك c'est cité clairement que c'est إسحاق. قال في هذه القصة نفسها وقوله فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها فيه بيان ضعف عقل المرأة وعدم ثباتها إذ بادرت إلى الندبة وصك الوجع عند هذا الخبر. نعم, قوله في صرة, ابن كثير رحمه الله وغيره قالوا في صرخة, بعضهم يدي الصيحة, أي على أصي لفوع. فسكت وجهها, أي elle s'est frappée le visage ou le front tellement qu'elle était étonnée. لماذا؟ لأنها avait atteint un âge avancé quand ils ont annoncé Ibrahim أنها elle allait enfanter d'un roulam, d'un garçon, ça l'a étonnée. Et comme قال ابن القيم رحمه الله, ça montre ضعف المرأة. Vous avez remarqué que Ibrahim عليه الصلاة والسلام, il n'a pas eu cette réaction. Ce genre de réaction en général, ça vient des femmes. Elles ont beaucoup plus de faiblesse que les hommes en général. قال وقوله وقالت عجوز عقيم فيه حسن أدب المرأة عند خطاب الرجال واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجة فإنها حذفت المبتدأ فلم تقل أنا عجوز عقيم. On revient à la langue arabe. وقالت عجوز عقيم. Elle n'a pas dit je suis une vieille femme. Elle a dit وقالت عجوز عقيم. Une vieille femme. Pourquoi elle n'a pas cité ce mot en plus? Ibn al-Qayyim rahimahullah قال واقتصرت على الذكر السبب الدال على عدم الولادة لم تذكر غيره وأما في سورة هود فذكرت السبب المانع منها ومن إبراهيم وصرحت بالتعجب. Ça montre le bon comportement pour la femme, أي خاصة envers les hommes, de parler le moins possible. Ça nous montre que la femme a la loi de parler avec des hommes, bien sûr s'il n'y a pas de fitna, et en cas de besoin. C'est deux choses. Et هذا, ça nous montre que la voix de la femme, c'est pas une aura. As-sahih, c'est que la voix de la femme, c'est pas une aura. Et l'homme qui entend la voix d'une femme, si une femme elle parle, la femme elle a pas fait du haram. Belle, elle a le droit de parler dans certains cas avec des hommes. S'il y a un besoin, il y a une haja, et que d'ailleurs, s'il n'y a pas de fitna. لكن ابن القيم رحمه الله قال واقتصار من الكلام على ما يتأدى به الحاجة. لكن cette femme, هذه المرأة الصالحة, la femme de Ibrahim عليه الصلاة والسلام, Elle a résumé le plus possible. قالت عجوز عقيم. Elle a dit deux mots, عجوز عقيم. Et comment je vais enfanter alors que je suis vieille, etc. Ça nous montre أن المرأة, quand elle parle, si elle parle, s'il y a un besoin, أولا, الخضوع في القول, le fait d'embellir la voix, de rire, إلى آخره, هذا, c'est ممنوع, c'est une porte de fitna. Et كذلك, si elle parle, elle cite le minimum. Ça peut arriver, مثلا, un homme qui frappe à la porte et il demande son frère, son père, son mari. Elle a le droit de répondre, لكن, bien sûr, s'il n'y a pas de fitna, et si elle répond, quelques mots. Il n'est pas là, il est sorti, خلاص. Pas besoin de التوسع في الكلام. لماذا؟ لأن plus la femme elle parle avec un homme étranger, plus Shaitan il fera tout pour rentrer. Que ça soit au téléphone, que ça soit à la porte, que ça soit dehors. هذا معروف. قال وقوله وقالوا كذلك قال ربك متضمن لإثبات صفة القول له. Ce verset, rahmatullah alayh, هذا الإمام qui donnait beaucoup de l'importance à العقيدة, dans ce verset il a montré أن ce verset montre na'am que Allah subhanahu wa ta'ala il a l'attribut de la parole. قالوا كذلك قال ربك. Donc Allah يقول. القول c'est le kalam. Donc Allah il parle. هذا سرد على الجهمية المعطلة qui prétendent que Allah il n'a pas l'attribut de la parole. On répète قالوا كذلك. Et les anges ils ont dit à la femme de Ibrahim كذلك قال ربك. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit cela. Donc tu auras un enfant. والله تعالى أعلم. Et on laisse la suite de ce chapitre, هذا الفصل المهم, pour le درس suivant. والحمد لله.